probabilité que vous entendez une fréquence plutôt basse, un flow, comme ça, continu. Musique générative d'introduction, s'il en est. On m'a déjà soufflé qu'on a vu générique un petit peu plus chantonnant, c'est vrai, c'est vrai. Mais je revendique celui-là juste pour nous mettre en bouche, en humeur, et puis surtout faire signal afin de témoigner de ma présence en ligne. On va baisser d'ailleurs très très gentiment maintenant cette fréquence. Et voilà, nous y sommes. Alors bonjour à tous, d'abord mes étudiants que je suis content de réentendre, en tout cas de sentir virtuellement de l'autre côté de cette chaîne sur les ondes, donc les étudiants de l'UPJV d'Amiens, l'UFR des Arts à Amiens. On a la chance d'émettre, parce que c'est bien d'une émission de radio dont il s'agit, depuis une radio de crise, s'il en est, radio antivirus, qui a été montée par le collectif Pinode. Pinode est un collectif d'artistes qui regroupe des intentions d'artistes, justement, et puis qui offre comme ça des canaux radio à plusieurs artistes, soit dans des participations singulières, mais soit aussi, comme c'est le cas en ce moment, sur cette radio de circonstance qui s'appelle Radio Antivirus, et qui donc quasiment 24 heures sur 24 maintenant émet des propositions sonores, parfois très aventureuses, des vraies propositions d'artistes, des vrais propos intéressants de ceux dont j'aime parler avec vous dans mes cours et surtout qu'à écouter. Et puis ma place est faite là aujourd'hui pour moi, donc j'en suis très content et je les remercie tous, à ce cours. Alors cours qui, je vais dire tout de suite, n'a de cours que le nom, on va abandonner l'attitude un petit peu révérencieuse des cours magistraux, et parler, comme on l'avait initié dès la semaine dernière, d'un disque, d'une œuvre. Côté radio, je salue aussi les gens du DAB de Mulhouse, parce que c'est là le centre un petit peu qui nous accueille, donc ce cours-là est tout, de fait ouvert, il est public et j'en suis content. Donc un grand coucou aux gens de l'Est et spécialement à Mulhouse dont la solidarité nous touche énormément. Aujourd'hui, dans la série un discours, une œuvre, pour le peu, vous allez voir, l'œuvre est assez courte, donc le discours pourra peut-être être long. Autant la semaine dernière, on a découvert un disque majeur, The Fear of the Black Planet de Public Enemy, troisième album du groupe, disque assez long, hein, 64 minutes. Qui soit un disque vinyle et vous donne quand même un sillon très serré et pas forcément approprié d'ailleurs à restituer pleinement les basses très lourdes du hip-hop, qui, ça n'étonnera personne, demande physiquement un sillon plutôt large, là où les fréquences aiguës elles peuvent se contenter d'un sillon relativement étroit. Donc il est bon de rappeler pour la petite histoire que techniquement un disque vinyle finalement est apte à encaisser un certain nombre de minutes, et en général au-delà de 40 minutes le son se détériore légèrement. Ce qui tombe bien parce qu'aujourd'hui on va écouter un disque de 28 minutes et je vais arrêter de faire trop de suspense aujourd'hui et vous déclarer immédiatement un petit peu quel disque on va écouter. C'est l'histoire de Melody Nelson. L'histoire de Melody Nelson, disque de Serge Gainsbourg, voilà, je le précise, pour ceux qui l'auraient oublié. L'histoire de l'histoire, on va dire. C'est un disque qui est extrêmement influent, en fait. Il est... comme je dis, je vais en parler plus rapidement par la suite, on l'écoutera d'abord. Mais quand même, en présentation liminaire, c'est le concept album de Serge Gainsbourg dans le sens le plus large un petit peu du terme. Il en aura fait deux, en fait. Hein, 5 ans plus tard, il fera L'homme à la tête de chou, mais celui-là est son premier. Et probablement le meilleur, s'accorde à dire les critiques. L'histoire de Melody Nelson, c'est un concept album au son totalement révolutionnaire, écrasant de modernité, dont tout le monde, hein, de Portishead, les élateurs du trip-hop de Bristol, des Beatles des 90, aux rappeurs, se réclament largement aujourd'hui. C'est ainsi que parlaient les In Rock en 2001. Donc, la petite histoire et la grande histoire d'un vrai disque culte, comme le titrait donc les In Rock que je citais plus ou moins de mes mémoires ici, va nous permettre d'abord de restituer peut-être légèrement le contexte. 1971, Gainsbourg a déjà entamé un petit peu ce qu'on appelle sa période anglaise, c'est-à-dire qu'il va enregistrer avec des musiciens anglais, avec des chœurs anglais, et aux révélations, pour ceux-là encore qui l'ignoraient, il épouse une Anglaise, Jane Birkin, qui était auparavant d'ailleurs la femme de John Barry. Je t'aime moi non plus, 69, année érotique. Voilà justement des disques sortis précédemment, avec Jane Birkin comme poupée, finalement, alter ego, partenaire, femme de Serge Gainsbourg. Pygmalion aussi, hein, un Gainsbourg comme ça, qui façonne des mythes, des légendes, des personnages, à commencer par le sien. Alors tout ça, c'est des 45 tours. Je t'aime, moi non plus. Balade sulfureuse à souhait, mais finalement relativement accessible et d'une mélodie qui se retient parfaitement. 1969, année érotique, et pareillement finalement. L'histoire de Melody Nelson, elle, va s'annoncer tout autre. Et a priori moins facile à entendre. C'est le disque de la maturité, voilà, c'est un petit peu facile à dire, mais c'est clairement ça pour Serge Gainsbourg. Mais outre le fait qu'il va officialiser comme ça ce couple Birkin-Gainsbourg, il va finalement donner deux rôles, deux personnages aux interprètes. Le disque va aussi poser les fondamentaux de quelque chose qui va peut-être se retrouver, peut-être plus assimilé la génération suivante qu'au tout début des années 70, en l'occurrence en 1971, quand le disque est pareil. Alors, qui sont ces deux personnages? Y en a un qu'on a tôt fait de coller à Gainsbourg lui-même, c'est-à-dire celui d'un dandy qui roule en Rolls-Royce. Voilà, ce dandy a bien 40 ans ou plus. Et voilà qu'au volant de sa Rolls-Royce, c'est inscrit dès le départ dans la chanson et dans les textes de Gainsbourg, une Lolita de 15 ans, que ce dandy va renverser de sa voiture. Voilà, et c'est le starter d'une histoire d'amour fulgurante, clairement interdite. Cette jeune femme, la dite Melody Nelson, a 15 ans, et il faut le dire tout de go aujourd'hui, une relation comme celle-ci passerait extrêmement mal. Et on sait pourquoi. MeToo est passé par là, etc. Donc il ne serait plus question d'être, entre guillemets, prosélyte sur quelque chose comme ça. Alors que bon, en 1971, si on critique ça, c'est du bout des lèvres. Alors pourquoi? Eh bien finalement, d'abord, l'histoire de Melody Nelson peut se lire comme une adaptation extrêmement libre, un remix du Lolita de Nabokov. Le fameux Lolita de Nabokov, c'est un livre à scandale qui paraît en 1955, pas très très longtemps avant le disque, hein, fondamentalement. Et entre-temps, il est porté à l'écran par Stanley Kubrick. Le mythe de Lolita est en marche. Et le mot, finalement, est devenu un adjectif depuis longtemps, plus même encore qu'un nom propre. Maintenant, revenons sur l'histoire de Melody Nelson. Ce n'était pas une autobiographie. C'est bien une fiction musicale. C'est pas Polanski qu'on rattrape après forfaiture. C'est Gainsbourg qui fabrique son personnage, ses personnages. Et là, il est en pleine maturité de ce travail d'autofiction, finalement. Un travail qui doit autant à la musique qu'à la mise en scène du disque, une forme de scénarisation. Et c'est certainement cela qu'on peut parler finalement d'un disque culte. Un disque culte, finalement, c'est quoi? C'est un disque qui s'articule autour d'un thème, ou autour d'une histoire, et c'est ici spécialement une histoire, celle donc de Melody Nelson. C'est donc un grimoire, cet album-là, malgré ses courtes 28 minutes. Un grimoire qui, avec un morceau d'ouverture et un morceau de fermeture, tous les deux énormes, et qui, eux deux, prennent en fait plus de la moitié du disque. 7 minutes 58 pour le premier, 7 minutes 30 et quelques pour le dernier. Melody, tout premier morceau, et Cargo Cult, tout dernier morceau. Et ce sont vraiment les morceaux essentiels, les plus forts, les plus abstraits, les plus pop, aventureux, assez psychédéliques aussi de ces morceaux-là, enfin de l'album-là. Et au milieu, entre les deux, finalement, un peu pris en forme dans un club sandwich comme ça, psychédélique, symphonique et pop, des chansons très courtes, de l'ordre de 2 minutes, moins pour certaines, et des parties volontiers instrumentales. Cet album est d'ailleurs, vous allez l'entendre, plutôt instrumental, de facture instrumentale, comme il y a même Gainsbourg, il est omniprésent, mais il n'est pas tant présent par chanteur qu'en tant que chanteur, qu'en tant que narrateur. Et c'est un Gainsbourg qui parle, qui est plutôt là, qu'un Gainsbourg qui chante. Et auquel va répondre finalement par petits mots, par petites injonctions, par phonèmes et morphèmes, parfois, si on devait parler linguistiquement parlant, Jane Birkin, qui campe le personnage donc de Melody Nelson. Voilà, on est ensemble 28 minutes sur cette œuvre que je vous propose d'écouter maintenant en extenso. Dans un même temps, on va revenir un petit peu sur l'influence qu'aura cette œuvre par la suite, mais à la fois immédiate, parce que le disque va prêter comme ça à des interprétations, à des mises en scène, à un des premiers grands clips vidéo jamais faits, mais aussi à son rebond, la génération suivante, notamment cette accaparation par la génération trip-hop, et puis par le biais de divers samples, et ce sur divers environnements finalement. Voilà, bienvenue dans cet univers donc très très cinématographique de Melody Nelson, l'histoire de Melody Nelson 1971 par Serge Gainsbourg, dois-je le rappeler. Les ailes de la Rolls effleuraient les pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. je déconnais, avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. J'avançais lentement. La voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. soleil errant et le bonheur aussi. L'amour c'est garoulon de la vie. Le soleil errant et le bonheur aussi. Mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'en trouvent sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent au sud. Esclaves nus, taillés dans les veines. Lizzie voulut revoir le ciel de Sunderland. Elle prit le 707, l'avion cargo de nuit. Mais le pilote automatique, aux commandes de l'appareil, fit une erreur fatale à Mélodie. cette espérance d'un désastre aérien qui me ramènerait mélodie. Mineur détourné de l'attraction des astres. Comment? Ainsi s'achève sur cette dernière note l'histoire de Melody Nelson. Donc Serge Gainsbourg en 1971. Alors on va un petit peu détailler cette œuvre et voir comment elle ouvre en fait sur d'autres. Je reviens un petit peu sur le contexte. Donc 1971. Melody Nelson n'est pas encore un disque patrimoine, comme ils veulent devenir, finalement. Je fais exprès un petit peu de mettre en avant le mot patrimoine. Mais enfin, il y a un tel côté patriarche aussi chez Gainsbourg, que finalement, le terme lui sied pas mal. Et bien sûr, dis patrimoine, parce que comme on va le voir, là, il va laisser des marques comme ça assez durables, sur les générations qui suivent. Mais en 1971, bon, on est en plein humeur psychédélique, hein, elle a baigné et contaminé probablement tous les arts, tous les genres musicaux et tous les arts. Donc la variété française y passe, je dirais, à son tour. Et puis, dans ce contexte où vont commencer à fleurir les 10 concept albums, c'est-à-dire, je reviens à cette définition première que j'en donnais, un disque qui va comme ça s'articuler sur un thème précis et les tirer sur une histoire. Ça a fait florès à partir des Beatles et leur Sgt. Pepper, leur New York Club Band, mais enfin il y en a plein d'autres qu'on peut citer, hein, et dans tous les genres, dans le jazz aussi par exemple. Tous ces disques auront comme point commun de tendre vers des aspirations collectives, vers quelque chose qui est comme ça de l'ordre de la communauté, parce qu'effectivement 68 est passé par là. Or, il est très facile, maintenant que vous avez entendu l'histoire de Melody Nelson au complet, de voir que ça tend à l'opposé. C'est un concept album de la solitude. Et en ce sens-là, c'est un disque dramatiquement froid et solitaire. C'est une histoire on ne peut plus individualiste, et donc elle est totalement dans l'air du temps de l'époque, et effectivement les frasques d'un quadragénaire en Rolls-Royce qui va s'éprendre d'une Lolita ont finalement quelque chose d'assez pathétique au regard de l'époque. Quand bien même, effectivement, l'histoire de Lolita, elle est dramatique. J'ai rappelé Nabokov, ce bouquin de 1955. Il va marquer durablement son époque, bien sûr, et Kubrick l'adaptera en 1962. Mais chez Gainsbourg, bien sûr, on est conscient qu'il a là un personnage, mais enfin, qui lui colle tellement bien, qui a un décalage presque dandy et presque snob vis-à-vis de l'humeur de l'époque. Gainsbourg déclarera d'ailleurs assez fièrement avoir suivi les événements de mai 68 depuis une chambre d'hôtel dans un Hilton super luxe. Voilà. Alors, ayons conscience aussi que dans ces propos-là, Gainsbourg est toujours en train de fabriquer sa propre image. Et il aura de cesse que d'en faire pas mal, hein, de Gainsbourg à Gainsbar, qui va être le personnage aussi très décadent, fumeur de clopes et alcoolo notoire, supposément, en tout cas, à partir des années 80, et là aussi une fabrication de toutes pièces. Alors cette fabrication-là qui est quasiment cinétique, elle doit aussi à pas mal de gens. Je vais évoquer pour ce disque un personnage essentiel et qui a été l'alter ego de Gainsbourg sur la fabrication de cet album, c'est Jean-Claude Vanier. Jean-Claude Vanier, c'est le co-auteur de certains morceaux et l'arrangeur surtout du disque. Et en fait, en guise de co-auteur, il a été plus que de là, il a quasiment écrit finalement toutes les musiques, avec évidemment Gainsbourg comme autorité derrière. Et Gainsbourg a bien raison de revendiquer le concept et évidemment les paroles. Et c'est grâce à Vanier qu'on apprend des choses intéressantes sur la fabrication un petit peu du disque. Il déclare notamment qu'en studio en Angleterre, ils ont enregistré en premier lieu avec une rythmique qui était composée de deux guitaristes, Big Jim Sullivan, Vic Flicks, et un batteur, Dougie Wright, plus un bassiste, Herbie Flowers. Donc le combo presque basique d'une attitude rock comme ça, avec certes deux guitaristes, dont l'un des deux, d'ailleurs Vic Flicks, et c'est intéressant de le noter, est le musicien qui joue le thème rythmique des génériques de James Bond. Voilà. Donc bon, des requins de studio, comme on dit, bien sûr, des gens extrêmement aguerris à toutes sortes de musiques et au travail en studio. Alors, à cette base très rock band que je viens de décrire, Vanier lui-même participe au clavier, tout en étant plutôt en retrait. Et une fois que ces enregistrements sont faits, il y a une heure de musique finalement qui sont gardées. Et on a vu qu'au bout du compte, ces 28 minutes de disque qui seront construits avec. Gainsbourg et Vanier ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire. C'est quelque chose qui va venir après. Et de retour à Paris, c'est là aussi, dans un grand studio, que vont être enregistrés les cordes et puis tous ces arrangements aussi qui vont tenir le disque. Parce qu'il y a effectivement quelque chose de relativement symphonique. Cet espace d'opéra symphonique pop-rock doit aussi énormément à ce travail-là, mais qui vient dans un deuxième temps. Au même moment, enfin en tout cas à la sortie du disque, l'album va connaître un destin étrange et totalement inédit dans l'immédiateté de l'époque. Il va être vidéoclippé, je mets des parenthèses sur le mot, par Jean-Christophe Averty pour les besoins de la télévision française, TF1, enfin qui est la première chaîne, TF1 n'existe pas sous ce nom-là à cette époque-là. En 72, il est probable que d'ailleurs il n'y ait encore qu'une seule chaîne sur les écrans français. C'est qui Jean-Christophe Averty? C'est un réalisateur de télé qui produit énormément d'émissions plutôt variétées, mais pas que. Il va notamment faire une adaptation du But et du Buroi de Jarry avec une mise en scène totalement incroyable et effectivement les prémices de quelque chose qu'on va appeler des vidéoclips à la fin des années 70. Et en guise donc de vidéoclip, il y a un clip très long puisqu'il dure les 28 minutes entières du disque et qui, subrepticement, vont imposer cette notion d'art vidéo, qui est d'ailleurs elle-même pas clairement définie en 1970, au début des années 70, à la télévision française. Voilà, qui est totalement fascinant et qui peut expliquer probablement aussi la qualité cinétique, cinématographique du disque. Et j'entends par là le fait que c'est le disque du coup est prêt, peut-être aussi bien par le son que par l'image et les images qui véhiculent, pour inspirer les échantillons des générations suivantes. Donc voilà, échantillon, le mot est lâché. Je m'écarte maintenant de l'époque stricto sensu. J'y reviendrai d'ailleurs après, notamment avec Vanier, pour aller rebondir sur cette reconnaissance extra-nationale que va connaître le disque. Ne mentons pas, dans les années 70, a fortiori dans les années 60, aucun artiste français rayonne hors de ses frontières. Bon, s'il rayonne, c'est en Belgique, hein. Voilà, Johnny Hallyday, il sera connu en Belgique. Et pour cause, il est belge. Oui, voilà, petite parenthèse, je vous la prends. Alors Gainsbourg va rayonner aussi, et dans une limite de zone francophone, mais c'est peut-être le seul artiste qui va franchir comme ça les frontières, notamment un petit peu l'Angleterre. Mais c'est bien plus tard que quelqu'un comme Gainsbourg va quand même être au relais comme ça d'un savoir-faire un petit peu français, etc. Le savoir-faire des Français en musique passe pas par la variété, encore moins par le rock. On sait bien que question rock'n'roll ou pop musique, les Anglais, les Américains ont plutôt des leçons à nous donner à l'époque. Ce qui veut pas dire qu'on est à la traîne, mais forcément on n'est pas leader. On l'est dans les musiques de film, par exemple, ça c'est notoire. On l'est aussi dans la musique d'illustration. C'est d'autres chapitres que je pourrais développer autrement, mais enfin sur les musiques de film, voilà, citons, je sais pas, un nom parmi mille, Michel Legrand. Par exemple, voilà. Gainsbourg en est pas encore là, mais il a conscience justement de cette force que peuvent avoir des locomotives comme ça, notamment de la musique de film. D'où probablement les orchestrations comme ça, extrêmement filandreuses, luxuriantes, qu'on trouve dans ce disque-là, l'histoire de Melody Nelson, et qu'on verra à continuer à apparaître après dans la discographie de Gainsbourg. Je pense notamment à L'homme à la tête de chou, qui sera son deuxième concept album et qui va venir 4 ans plus tard. Donc rebondissons allègrement dans les années 90 et évoquons Massive Attack et Portishead. Portishead, tout comme Massive Attack, sont les parents tutélaires d'un néo-genre qu'on a appelé trip-hop à partir du début des années 90. On a parlé hip-hop la semaine dernière, le trip-hop c'est un petit peu son descendant en tout cas, débarrassé du rappeur et du coup peut-être chercheuse, volontiers expérimentale, et qui va, en guise de sample, aller plutôt grignoter sur des territoires inconnus. Alors Gainsbourg est-il un territoire inconnu pour les nouveaux samplistes des années 90? Il faut le croire, et en tout cas, quand il découvre un territoire, c'est là, c'est cargo culte, c'est un univers entier. Et le trip-hop est peut-être l'album entier de Portishead, le premier album assez remarquable, hein, d'ailleurs, disque de 94, s'appelle Dummy. Pour l'année, je dois me tromper, au moins d'une année. Enfin, on m'en tiendra peu rigueur, j'espère. Non, c'est bien ça, 94. Il est totalement imprégné de l'atmosphère de Melody Nelson. Et il est temps que Geoff Barrow, c'est le leader, le chimiste en fait principal de Portishead, a signalé d'ailleurs qu'il apparaît dans un documentaire qu'on a regardé ensemble, hein, The Delian Mode, hein, ce documentaire autour de Delia Derbyshire et des BBC Radiophonic Workshop. Voilà, Geoff Barrow est un des locuteurs qui raconte un peu justement comment il rentre dans une culture du son bizarre comme ça, et beaucoup grâce aux musiques de film et aux sons fabriqués, donc notamment par les BBC Radiophonic Workshop. Mais revenons-en à Gainsbourg, puisque Gainsbourg l'influencera tout autant, et il le dira. Et allons directement, pour s'en convaincre, écouter Portishead. Portishead qui, ici, remixe Massive Attack, le groupe number one, hein, tutélaire, si l'on va par là, du trip-hop fabriqué à Bristol au début des années 90. À l'évidence, on va se retrouver en plein cargo culte. Be with me, I've nothing to give. But lawyers say this love is best. Leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. The need to live and the need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The whistle calls my temper. It never calls my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple. Especially when your body's double duplicating, and you wait for the next Kuwait, karma, coma. make him roam. Top of your list. Monopoly improperly kissed. We overcome in 60 seconds with the strength we have together. But for now, emotional ties, they stay severed. When the stress that we treat someone with fungal heartbeat. Karma coma, Jamaican Roma. Karma coma, Jamaican Roma. Karma coma, Jamaican Roma. Karma coma, Jamaican Roma. Baby, I ain't my baby, mate, I must be crazy. See, I'm Swayze. You're digging a hole in your neighborhood, you're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, I ain't my baby, mate, my baby. Deflowering my baby, hey my baby mate. I must be crazy, you must be lazy. Karma coma, Jamaican Roma. Karma coma, Jamaican Roma. Karma coma, Jamaican Roma. Karma coma, Jamaican Roma. Karma Coma, c'est le remix donc que faisait de Massive Attack le groupe Portishead. Portishead clairement inspiré, évidemment, on ne s'en cachait pas, par, par le cargo culte de Serge Gainsbourg, mais autant dire l'intégrale finalement de l'histoire de Melody Nelson. Bon, à ce jeu-là, ils ne sont pas les seuls, hein, d'ailleurs, on peut s'amuser. J'étais content de retrouver ce disque que j'avais entendu à l'époque, mais que j'avais eu du mal à trouver par les Beatnuts, qui eux signaient, pareil, hein, vous allez voir, un morceau plus clairement hip-hop, de facto avec le thème finalement principal. De Cargo Cult qu'on va reconnaître là immédiatement, on ne prend pas le temps de le déguiser ni quoi que ce soit, il y a une telle évidence dans ce sample finalement que rien ne sert de le maquiller, il est sublime en lui-même. Et là vous allez voir ce qu'on va entendre, ce précède de quelques mois d'ailleurs le Karma Coma de Portishead, de Massive Attack Portishead, là on est en 1994. Holy shit! Jack got the house jam packed. World famous Beatnuts making moves that's a lack. 24th track, get you the fucking punk. Stay too long and your ass will get jumped. Smack you with my elbow. Watch the elbow take a cruise down a hell hole. Make the death become active. 40 ounce so I could pronounce every ass hit right. Pass the light so I could spark it. But you wanna buff green off the chocolate bag. Make your tail wag when I light up. I busted your ass trying to shoplift my item. Shame on you, fucking fool. But I don't sweat it, I keep my cool. Punk, use a straight up marica. With a diabolical sound coming through your speaker. Ah, yeah, that shit sound right. nigga with the word up, in your fast ass. My name is Fat. You wanna cut it short? Take the cool ass blaster to the back and make it cool ass fast. Cause I be blasting, setting niggas up and shit. That pussy good, so I'ma be all up in it. Fucking it. I dive in sluts on the red. Got one for your head, punk, even if you're bad. Cause I'm cool. And you can be cool if you try. I just hate it when them dumb motherfuckers act fly. Well, I went down, pulled out my fucking jammer, but shit start getting thick, so I had to cock the hammer like bam. Then you go on the floor. Now you can't fuck around with these nuts no more. See niggas be faking, just hanging with the funk. But in all I just, you know we swang with the funk. Check it, trunks can pop in the nick of time. So you suckers back home, cause you can't fuck with mine. Yo, super bad, super bad. With the diabolical sound coming through your speaker. Super bad, super bad. With the diabolical sound coming through your speaker. Super bad, super bad. Coming through your speaker. Hey yo, I'm coming out my face like a mad scar. I'm all about the money, the bitches, and driving around in a bad car. Cause I ain't taking no shorts, I play for keeps, I stay strapped. Cause I ain't got no time to roll deep. Rugged and raw, kid, my heart pumps acid through my veins. Watch your brains get blasted, what? I came to freak the funk on a real tip. The junkyard niggas like steel, I don't feel shit. I ain't trying to hear nothing, cause niggas ain't shit. And all the hoes out here just be frontin'. Et Midnight Swan, 1994, Gainsbourg en tête, si j'ose dire. L'un des premiers, mais pas le premier, de fait, sample emprunté, on en doit un, mais plutôt déguisé, à De La Soul, encore quelques années auparavant. Voilà, hein, pour les plus fétichistes et collectionneurs d'entre vous. Dans cette jeu des citations, j'ai quand même allé, alors du coup, au-delà des années 2000, et citer quelqu'un qui est quelqu'un d'assez important en lui-même, c'est l'artiste Beck. Beck, lui, il a fait ça. Et vous allez voir que c'est pareil, il va directement chez Gainsbourg et dès la deuxième seconde. Just like a paper tiger, torn apart by skelter morning, fix yourself when you still can. No more ashes to ashes, no more cinders from the sky, and all the lost. Tell a dead man how to die. We'll be right back. back to civilization, but there's no road back to you. Retour sur les ondes de Radio Virus avec cette histoire de l'histoire de Melanie Nelson. Et vous voyez comme l'histoire finalement elle sort et elle déborde hein, de son créneau d'origine. Beck naît en 1970, c'est au moment où il est en train de se concevoir finalement cet album. Et la reprise qu'on vient d'entendre, elle est fascinante parce qu'elle doit autant à l'emprunt, c'est-à-dire au sampling, comme on l'écoutait juste avant finalement, mais aussi à la réorchestration du thème. Et en même temps, on n'est pas dans la copie. On est clairement dans une démarche, dans un sillage. Bon, chez Beck, hein, musicien quand même affûté, hein, auteur, compositeur, comme ça, qui fait feu de tout bois et qui est plutôt talentueux d'ailleurs, fait avec pas mal d'à-propos. Je reviens à Gainsbourg et après vous allez voir, je vais faire une sortie avec une espèce de grande bonus track et on reviendra auprès de Jean-Claude Vanier. C'est un personnage important dans le dispositif du disque, je le disais tout à l'heure, mais il y a clairement une réhabilitation à faire sentir de ce côté-là. Enfin, elle s'est faite, mais évidemment tardivement. C'est le principe d'une réhabilitation, n'est-ce pas? Gainsbourg est quand même une bête à sample. Et je vais tout de suite revenir à justement un univers de cinéma parce qu'il traîner aux côtés de pas mal de cinéastes, ça a été quelqu'un qui a signé des BO assez remarquables. Et ma foi, tout de suite en tête, je vous lis celle-ci, qui nous met pas mal en arrière d'ailleurs, hein. On est en 1968, c'est pour la bande originale du film Le Pacha. Le Pacha met en scène principalement Jean Gabin, une espèce de pacha, patriarche comme ça, mafioso, enfin du milieu comme on pouvait le dire, et cette musique de Gainsbourg fait partie du film, parce qu'il y a une scène dans le film où on voit Gainsbourg lui-même en studio chanter clairement cette chanson-là. Voilà. Elle est d'ailleurs orchestrée là aussi par un musicien important qui est Michel Colombier. Michel Colombier avait été le partenaire de Pierre-Henri dans la fameuse messe pour le temps présent, signée là aussi au milieu des années 60. Alors tout de suite, le Requiem pour un con. Les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible cette air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem. Regarde, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui te plaît pas? Pour moi c'est idem. Que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Pauvre con. Écoute les orques. Elle joue pour toi. Il est terrible cet air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con. Voilà, Alors la rythmique par excellence, le sample par excellence, bien sûr, reniflé par la génération hip-hop suffisamment tôt. Il faut dire qu'il y a dans ce morceau une trace absolument géniale. Alors lui, il est devenu concept par la suite et à lui tout seul. Hein. Là encore, c'est Gainsbourg aux manettes. Bon, il y a le talent aussi d'un mixage absolument incroyable, cette caisse claire comme ça, avec une double réverb comme ça, un petit peu prolongée, etc. C'est absolument remarquable finalement. Là encore, le sample échappe pas à Beck. Je reviens à lui parce que c'est aussi un voleur de talent. Et vous allez voir comment là, il a aussi repris cette base finalement du requiem pour un con. Donc là encore de Gainsbourg, mais de façon plutôt déstructurée cette fois-ci et en cela accaparant totalement finalement. Vis-à-vis de 40 ans quasiment, un Beck dans cette remix, enfin ce sample totalement restructuré, emprunté donc à Gainsbourg et à la BO du film Le Pacha, le requiem pour un con, 68 et lit en 2006. C'est un morceau fleuve hein, qui fait 10 minutes, dont je mets juste là un petit peu l'introduction. Voilà. J'ai beaucoup pris plaisir à faire un petit peu ce jeu de miroir et de citation par génération interposée autour de Love Fleuve de Gainsbourg. Je vais la conclure par une reprise assez tendre d'ailleurs, et je trouve plutôt émouvante, et je pense qu'elle est totalement passée inaperçue à ce moment-là. C'est une reprise jazz d'une certaine manière. On la doit à un guitariste, Marc Ribot, en 1997. Voilà, Marc Ribot est associé un petit peu aux sphères avant-garde jazz new-yorkais, hein, notamment un compagnon de route de John Zorn. John Zorn, c'est un saxophoniste, mais aussi producteur, qui comme ça... Et le patriarche un peu aussi, d'une certaine manière, de pas mal d'initiatives qui vont à la fois croiser la musique populaire, le noise rock, comme le jazz rock le plus enfiévré. Et aux côtés de Marc Ribot, voilà, on lui doit cette... Alors c'est pas une reprise d'ailleurs affichée telle quelle, elle est pas présentée comme étant un morceau de Gainsbourg, mais enfin ça rentre dans un album concept, mélange dans lequel finalement John Zorn, voilà, je vais arriver à le dire, rend hommage comme ça au grand compositeur juif, alors non sans ironie, The Great Jewish Composer, dans lequel on trouvait notamment Mark Bolan, alias T-Rex, mais aussi Serge Gainsbourg. Black Trombone, voilà, en écho un peu d'outre-tombe et d'outre-océan, là encore, du cargo culte de Melody Nelson. morceau est interminable. Alors je vais le faire taire avec un peu. Et voilà, je reviens sur Mac Ribot. Il est plus intimiste, donc voilà, il faut lui laisser une petite place et faire silence. Mac Ribot, Black Trombone, avec évidemment le fantôme de Gainsbourg, pas très loin derrière. Retour un petit peu sur l'époque et le comparse de, je le nommais, l'arrangeur Jean-Claude Vanier. Très, très important dans le processus de fabrication de Melody Nelson. Et en fait, c'est une œuvre qui va connaître, justement, par le biais de Jean-Claude Vanier, son double. Un double maudit, et un double un peu obscur. Et en l'occurrence, ça se manifeste par un disque signé Jean-Claude Vanier, totalement arrangé, écrit, composé par Jean-Claude Vanier, L'Enfant Assassin des Mouches. Ce disque paraît en 1972, donc tout juste un an après Melody Nelson. Or, ce disque n'est pas signé Gainsbourg, évidemment, mais c'est un disque totalement miroir de Melody Nelson par le fait que Gainsbourg va prêter sa plume, non pas aux lyrics, non pas aux paroles du disque, puisque c'est un disque instrumental en fait, mais aux notes de pochette, au livret qui compose ce titre. En guise de livret, c'est comme un livret d'opéra, comme un livret de danse, une chorégraphie, voilà, il y a un thème qui est donc, et qui justifie là encore une appellation de concept album sur ces fameux l'enfant assassin des mouches. Et c'est un conte cruel sur lequel va dérouler Gainsbourg une poésie comme ça, très très très brève, très très liminaire, et qui va finalement, en une strophe à peine, faire le commentaire de chaque morceau qui compose l'album. Je vais d'ailleurs le lister. L'enfant, la mouche et l'allumette. Voilà, premier titre. Une mouche blessée est en déroute, l'enfant prépare ses allumettes. Il la poursuit et tente de la brûler. Autre titre, l'enfant au royaume des mouches. L'animal blessé entraîne l'enfant dans un endroit souterrain, humide et sombre, le royaume des mouches. L'enfant traverse le ruisseau qui borde l'entrée des cavernes interdites. Alors je continue l'histoire, celle de Gainsbourg, sur la musique de Jean-Claude Vanier. Les gardes du roi exécutent à l'approche de l'enfant une figure guerrière, puis ils s'écartent et découvrent le roi des mouches jouant au billard. Le roi des mouches invite l'enfant à danser avec lui. Pourtant, au cours de la danse, l'enfant médite une traîtrise. L'enfant arrache la cellophane d'un pot de confiture de rose qu'il verse sur le sol. L'immense lac de confiture enrobe lentement le roi. Les efforts du roi des mouches pour se délivrer ne font que l'engluer davantage sous le regard impuissant des gardes qui se retirent lentement. Le roi, embarrassé par la confiture de rose, se traîne jusqu'à la plage des hommes. L'enfant l'y rejoint en sétillant et le tourmente avec une badine. Plusieurs cohortes de mouches noires harcèlent successivement l'enfant et tentent de sauver le roi. Mais enfin, l'enfant assassin, sans merci, l'enfant assassin poursuit sans merci le roi des mouches en fouettant les hautes herbes avec sa baguette. Le roi est frappé à mort. Le peuple des mouches se concerte et prépare sa vengeance. Les mouches, en tournoyant, donnent le vertige à l'enfant et tentent de le coller sur un papier « Tue enfant ». Par deux fois, l'enfant tentera d'échapper à la sentence des mouches, puis se collera sur le papier « Tue enfant ». Conclusion, l'enfant se couvre de mouches. Voilà, donc à la parole, je crois que j'ai plus qu'à ajouter la musique instrumentale. Là, je le répète, l'enfant assassin des mouches, ce sera notre sortie pour le peu, alors avec une moitié de ce disque qui est sorti de l'oubli presque par miracle. C'est un album très luxuriant, extrêmement riche, qui a coûté très cher à fabriquer, avec des grandes orchestrations, etc. Donc ce disque est bénéficié d'ailleurs d'un mécénat par un riche industriel, je crois des pays de l'Est. Bon, il n'y a pas trop de détails là-dessus. Mais toujours est-il que le riche industriel a fait faux bond, c'est-à-dire qu'au dernier moment, quand il a fallu distribuer le disque, le vendre et le presser à plusieurs milliers d'exemplaires, supposément, ça n'a pas pu se faire. Il y a quelques copies quand même qui ont existé à l'époque, mais à peine une centaine en fait, qui étaient juste des promotions. Donc le disque est resté entièrement rare jusqu'à ce qu'ils connaissent enfin une réédition au milieu des années 2000. Presque 40 ans après, quoi. Donc, ce disque sauvé de l'oubli pour le plus grand monde, finalement, tombait à pic un petit peu pour saluer d'abord l'acmé d'une collaboration très riche entre Gainsbourg et puis Vanier. Et d'ailleurs, ça ne se poursuivra pas au-delà. C'est-à-dire que finalement, ça y est, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Et Vanier continuera, bien sûr, à être l'arrangeur de beaucoup de variétés françaises. Mais variété, c'est-à-dire pour le moment sans l'audace, sans l'aventure, voire les excès, hein, clairement affichés, revendiqués et assumés, tant dans l'histoire de Melody Nelson que dans l'enfant assassin des mouches. C'est avec ça qu'on se quitte, bonne écoute, et pour les plus courageux, on se retrouvera la semaine prochaine, évidemment. Bonne continuation à tous et courage pour tous. Alors je précise que cette petite introduction là avec des cloches qui va me servir d'abord à remercier nos hôtes, Pinode et spécialement Antivirus Radio. Et vous signalez que sur la fenêtre de votre web, il y a en haut à droite une colonne de chat qui s'affiche. Donc libre à vous d'y participer. d'alimenter commentaires et questions si vous en avez envie. Je vous remercie. À bientôt.